Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil a des effets imprévisibles. Ses rayons brûlent et aveuglent, la chaleur fait fondre le visage et dans certains cas peut conduire au meurtre. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'étendut et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Bonjour Agnès Piquel. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la philosophie. Merci de votre invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir à ce micro. Vous avez beaucoup écrit sur Camus. Vous êtes présidente de la Société des études camusiennes et c'est sa voix qui vient d'ouvrir cette émission. À qui Albert Camus prête-t-il sa voix dans le texte qu'on vient d'entendre ? À Meursault, bien sûr, le narrateur, celui qui raconte son histoire dans l'étranger. Camus a tenu à se glisser dans la personnalité de cet homme qui se sent étranger à beaucoup de choses, mais pas à tout, et qui va être amené à ce meurtre qui le fait entrer, on vient de l'entendre, dans le malheur, alors qu'il pensait pouvoir passer à côté du malheur. Camus écrit à la première personne, et c'est absolument capital, nous sommes dans l'étranger, dans Meursault. Et si on lit le texte de près, peut-être les auditeurs les plus attentifs l'auront remarqué, et le texte semble impliquer que le responsable de ce meurtre, c'est le soleil. Le responsable du meurtre, c'est le soleil. Alors c'est vrai que sur une émission de Camus et le soleil, on attendrait, eh bien oui, non, le soleil oui, peut... Oui, la joie, la plage, la jouissance, bah, c'est, voilà. Mais ça existe aussi. Oui, oui, le soleil peut être mortifère. C'est ce moment où les éléments se déchaînent, on est dans un registre presque mythique. Il y a par exemple une pluie de feu juste avant, et tout se retourne en son contraire, et l'homme est précipité dans le malheur. C'est le tragique de sa condition. Oui, c'est le soleil qui ouvre le malheur et Meursault entérine le fait d'être entré dans ce malheur qui peut peser sur tout homme. Le soleil peut être mortifère. D'ailleurs, il a accompagné l'enterrement de sa mère au chapitre, quelques chapitres avant dans l'étranger. Il y avait aussi un soleil de mort, un soleil écrasant, un soleil qui fait s'évanouir les gens, un soleil qui écrase tout. Et le texte est ainsi tiré entre ces deux morts où le soleil joue un rôle absolument fondamental. Et dernière chose, il y a le nom de ce personnage, Meursault. Dans un roman qu'il avait écrit avant et qu'il n'a pas publié, le personnage principal, qui faisait aussi un meurtre mais qui ne tuait pas un arabe, s'appelait Meursault. Dans La Mort Heureuse ? La Mort Heureuse, exactement. La mer et le soleil. Camus change Meursault en Meursault. Et on peut y voir beaucoup de choses, mais entre autres, l'association du soleil et de la mort. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on va y venir, hein, là on commence par le milieu, mais le soleil est d'abord pour Camus l'astre sous lequel il naît. Le soleil est présent dès son enfance. Ce qu'il écrit d'abord sur le soleil n'est pas du tout noir. Comment expliquer qu'en 1942, quand paraît L'Étranger, le soleil soit ici coupable? Le soleil est assassin. Ça devient, il devient sombre, voire presque obscur. Il est du côté sanglant de l'existence et non plus du côté lumineux. Comment expliquer ce basculement? Il me semble que, tout simplement, Camus a pris conscience de ce qu'était le monde tendu dans lequel il vit, où quand un Français rencontre un Arabe, je ne dis pas qu'il le tue, mais où la cohabitation coloniale peut toujours être porteuse de mort. Il a appris que le malheur existait, un malheur contre lequel on ne peut rien. Il a appris beaucoup de choses depuis cette enfance absolument merveilleuse, qu'il retracera d'ailleurs à plusieurs reprises. Et il me semble que c'est véritablement le tragique qu'il a appris, à la fois de l'intérieur, hein, parce que lui-même a été menacé par la mort à 17 ans, à cause de la tuberculose, et de l'extérieur, c'est-à-dire l'histoire telle qu'il la voit autour de lui et telle qu'elle se déroule dans ce siècle épouvantablement marqué par la mort. Il en prend conscience de tout cela. Et le soleil, à ce moment-là, ne peut plus être seulement ce qui donne la joie, le plaisir, le bonheur, l'épanouissement de tout l'être. On ne peut plus dire que cela. L'histoire de ce texte, hein, L'Étranger, est intéressante parce que vous l'avez dit, il est inspiré d'un texte qui, lui, ne sera jamais publié, La mort heureuse. Et quand Camus rédige L'Étranger, il s'inspire à la fois de faits, d'observations. Il est allé assister à l'enterrement, puisque quand même le roman s'ouvre avec l'annonce de la mort de sa mère. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas. Tout est dans ce « je ne sais pas », hein, ce qui donne le ton camusien de ce texte. Donc on y trouve des récits très précis, une espèce de précision journalistique, un sens du romanesque, parce que ça reste quand même un roman, c'est pas juste un récit ni une enquête journalistique, mais surtout, cette espèce de, et c'est là où le soleil est très adéquat pour parler de ce texte, une absence de position claire. On ne sait pas où se situe l'étranger qui porte bien son nom, et cette difficulté d'assigner à un endroit précis le narrateur est en fait l'image de la philosophie de Camus, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais absolument dire que les choses sont ainsi et pas autrement. Alors, c'est tout à fait vrai qu'on ne peut pas assigner de place temporelle au narrateur. Mais Meursault, on peut lui reconnaître cette faculté d'être dans l'instant et de vivre totalement dans l'instant et dans les sensations et dans le corps. Alors, Camus, qu'on ne pourrait pas assigner, oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans ce qu'il a appelé le cycle de l'absurde, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres qui tournent autour de cette notion d'absurde. Mais pour lui, l'absurde n'est pas le dernier mot de tout. Et il a déjà pensé la suite de son œuvre et donc de sa réflexion. Derrière l'absurde, il y a la révolte. Donc, cette place étonnante de Meursault n'est pas le dernier mot chez Camus. Camus, d'ailleurs, dira un peu plus tard que pour chaque œuvre, il faut réinventer une écriture. Et c'est ce qu'il fait. Il faut comprendre que chez Camus, l'amour de vivre n'exclut pas le désespoir de vivre, et même c'en est le corollaire. Absolument. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Peut-être l'ambivalence du soleil. Ah, mais complètement, pas peut-être, complètement. Et il y aura d'autres ambivalences, mais oui, les deux sont intimement liés. Il ne s'agit pas d'éliminer l'un pour aller vers l'autre, il s'agit de maintenir cette tension qui est constitutive de la vie humaine. Et cette tension se retrouve, vous avez bien distingué les deux périodes de Camus, qu'il distingue lui-même même de manière artificielle, l'absurde d'abord, la révolte ensuite. Dire qu'il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre, ça veut dire qu'en fait, et c'est pour ça que je dis qu'on ne pouvait pas l'assigner à une place, c'est qu'il y a cette espèce de mouvement de balancier. C'est qu'on est à la fois du côté de l'amour, à la fois du côté du désespoir, et que c'est sans doute ça qui donne son sens à l'absurdité dont il parle. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas un sens prédéfini qu'on pourrait découvrir. On ne peut pas savoir, oui, mais on sait ce qu'est l'amour et on sait ce qu'est le désespoir. Mais effectivement, on ne peut pas rester, et il n'est pas souhaitable que l'on reste dans l'un ou dans l'autre. Si on s'enferme dans le désespoir, on se condamne à la stérilité. Mais si on s'enferme dans l'amour de vivre, on risque fort de perdre toute lucidité. Et donc, c'est quasiment un devoir éthique de maintenir cette tension constante entre les deux pôles. Et c'est ce qu'il dira magnifiquement dans L'homme révolté au début des années 50. Mais le désespoir vient de l'absurde ? Oui, le désespoir. D'où vient le désespoir ? Le désespoir vient du fait, d'une part, que nous sommes finis, c'est-à-dire que nous n'avons pas la durée pour nous, nous devons mourir. Le désespoir vient aussi, me semble-t-il, du fait que nous ne sommes jamais exactement à la hauteur de ce que nous propose la vie, de ce que nous propose la beauté. Le désespoir est multiforme chez Camus, mais il faut en faire quelque chose qui va donner encore plus l'amour de vivre. Et c'est ce qu'il a. Lui, on lui dit à 17 ans, vous allez peut-être mourir. Ça lui donne une fantastique envie de vivre et un fantastique amour de vivre. Les deux vraiment vont ensemble. Et Camus est quelqu'un qui refuse absolument de s'installer dans le désespoir. C'est ça, de s'installer nulle part d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a besoin des deux. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'amour précède le désespoir ? Ou est-ce que les deux sont vraiment simultanés ? Il dit lui-même que son enfance a été baignée dans l'amour grâce à la lumière et grâce aussi à la tendresse maternelle, même si ça a été beaucoup plus compliqué que ne le dira ensuite le premier homme, si on regarde ses premiers textes. Mais oui, il a baigné dans l'amour et c'est vrai que Noce, qui va célébrer cet amour de vivre, précède L'étranger. Noce, qui est donc le titre d'un recueil qu'il publie en 1939. Avant cela, je vous propose qu'on entende quelques lignes de la préface de L'envers et l'endroit. Quelques lignes qui mettent au point le rapport, de manière explicite, le rapport que Camus entretient avec le soleil, puisque le soleil est ce dans quoi il a baigné depuis qu'il est né, particulièrement puisqu'il vit en Algérie, mais que le soleil avait pour corollaire toujours la misère ou la pauvreté. On retrouve ici le balancement entre l'amour et le désespoir. On a ici le soleil et la pauvreté. Écoutez le texte lu par Chloé Réjean. La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes en ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous, et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour. Mais les circonstances m'ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. C'est ainsi, sans doute, que j'abordais cette carrière inconfortable où je suis, m'engageant avec innocence sur un fil d'équilibre où j'avance péniblement sans être sûr d'atteindre le but. Autrement dit, je devins un artiste, s'il est vrai qu'il n'est pas d'art sans refus ni sans consentement. Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Je me sentais des forces infinies. Il fallait seulement leur trouver un point d'application. Ce n'était pas la pauvreté qui faisait obstacle à ces forces. En Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien. L'obstacle était plutôt dans les préjugés ou la bêtise. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et Albert Camus qui nous accompagne aujourd'hui pour parler du soleil dans cette série d'émissions autour du soleil, aujourd'hui en compagnie d'Agnès Piquel, qui a écrit de nombreux ouvrages sur Camus, notamment définissant Camus comme un artiste, et on trouve le terme dans ce texte, Agnès Piquel, vous l'aurez remarqué, évidemment, il dit, autrement dit, je devins un artiste, s'il est vrai qu'il n'est pas d'art, sans refus ni sans consentement. L'envers et l'endroit, c'est la première œuvre publiée d'Albert Camus, et malgré toutes les imperfections dont lui-même avait conscience et qu'il assumait, il ne cessa de dire jusqu'à sa mort en 1960 qu'en fait, toute sa philosophie se trouvait dans la préface de L'envers et l'endroit. Alors, pas seulement sa philosophie, mais toute sa sensibilité. Alors attention, le texte que l'on vient d'entendre est tiré d'une préface qu'il écrit bien après. En 58. Donc, quand il est déjà à l'âge mûr et qu'il fait une sorte de bilan et de prospective. Il a 47 ans, il pense qu'il vivra encore longtemps. Et donc, c'est un texte capital parce que il fait le point et on retrouve effectivement cette tension dont on parlait déjà. Mais il dit bien que tout ce qu'il est, c'est déjà dans L'envers et l'endroit avec des maladresses et on a déjà amour, désespoir, envers, endroit. C'est un texte, effectivement, où le passage qu'on a entendu était centré sur la pauvreté. Et je tiens à dire que Camus distingue bien la misère et la pauvreté. La misère, c'est ce qu'il verra en Kabylie, où les enfants mangent des racines. Lui a vécu dans la pauvreté. Et quand il dit à mi-distance de la misère et du soleil, ça veut dire aussi qu'il n'était pas dans la misère et il le sait. Et donc, il a vécu dans la pauvreté, c'est un fait, une famille pauvre du quartier de Bellecour d'Alger. Mais le désespoir n'est pas venu de la pauvreté, parce que la pauvreté, il l'a découvert très vite, était aussi une richesse. C'est-à-dire, il découvre très tôt que dans la pauvreté des siens, il y a un sens de la vie qui est capital, et c'est la première page de ses carnets, qui sont une sorte de journal de sa pensée et de son œuvre, et qu'il commence en 1935, et il dit bien que dans ce milieu pauvre, il a compris ce qu'était le sens vrai de la vie. Alors je crois que quand il fait le point sur lui-même en 58, et où il dit qu'il faudra qu'un jour il réécrive L'envers et l'endroit, et personnellement, je ne suis pas la seule. Je pense que la réécriture de L'envers et l'endroit, c'est Le premier homme, hein, c'est-à-dire non plus sous forme d'essai, mais sous la forme d'un roman d'inspiration autobiographique. Donc Le premier homme, le texte qu'il était en train d'écrire lorsqu'il a eu son accident mortel en 1960. Voilà, et dont, heureusement, nous avons une part, mais qui était sans doute pas 144 pages, et sans doute, d'après tous les plans qu'on a aussi retrouvés qui ont été édités, il était au tiers de cette œuvre, qui aurait été quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais déjà comme ça, c'est un roman qui se tient et qui reprend donc L'envers et l'endroit, mais avec la maturité que l'on sent aussi dans ce texte de 1958, cette préface que l'on vient de voir. Et je voudrais souligner aussi quelque chose qu'on a entendu, qui est un mot très important, c'est le mot de indifférence. Ça surprend toujours, s'agissant de Camus. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. Il y avait quelque chose en lui à corriger. Et on a du mal, parce que Camus, c'est la générosité, c'est la passion, de l'entendre, et ce n'est pas la seule fois où il le dit, qu'il a une indifférence naturelle contre laquelle il travaille. Alors, je crois qu'il faut le dissocier, le distinguer de ce qu'il appellera la tendre indifférence du monde dans la dernière page de L'étranger. Mais ce travail sur sa propre indifférence, Camus est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui, il a travaillé sur ses propres démesures, il a travaillé sur son indifférence, rejoint peut-être quelque chose qu'il dit aussi dans L'envers et l'endroit, c'est-à-dire l'indifférence de cette mère étrange. Cette mère qui est toute tendresse dans Le premier homme, elle a quand même posé problème à l'enfant, parce qu'elle était tellement repliée et écrasée par la vie que l'enfant a pu se demander si elle l'aimait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette indifférence. Mais c'est magnifique la manière dont Camus travaille ce personnage. Sa mère ne parlait pas. Sa mère parlait très difficilement parce qu'elle était sourde. Voilà. Donc, elle parle beaucoup du silence de sa mère. Oui, c'est ça. Elle avait quelques centaines de mots. Mais elle se taisait avec en plus la fatigue. Elle faisait des ménages. Elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas lire. Donc, elle était très, très, très, très repliée sur elle-même. Et puis, il y avait sa propre mère, donc la grand-mère de Camus, qui était une femme terrible. Mais terrible, non pas par méchanceté, mais parce que tout simplement, la pauvreté, ça rend dur. C'est la pauvreté qui est dure. Hein, et qui menait donc tout son monde à la baguette. Mais Camus a fait un travail énorme sur cette figure de la mère. Et petit à petit, en a fait la figure de la mère dans Le premier homme, qui est alors toute tendresse. Et il a donné à cette mère, qui est fictive, c'est la mère de Jacques Cormeries, une générosité, une présence, peut-être un peu moins de silence et en tout cas pas d'indifférence, et l'éblouissement de l'enfant se disant elle-même, ce qui n'était pas aussi explicite dans L'envers et l'endroit, mais c'était plus de 20 ans avant. Donc il y a toute une méditation de Camus sur cette figure de la mère, parce que plus il avance en âge, plus il découvre à quel point il y avait, derrière cet écrasement et tout, une dignité, un courage et finalement une tendresse, mais qui ne s'exprimait pas et qu'il reconnaît complètement, d'où ce personnage merveilleux de la mère de Jacques Cormeries dans Le premier homme. Et d'où peut-être cette référence à une indifférence naturelle. Vous dites qu'il a beaucoup travaillé sur lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur cette indifférence, mais aussi sur la démesure. Mais il le dit aussi dans la préface de L'envers et l'endroit, mais aussi dans ses carnets, parce que ses carnets ne sont jamais un journal intime, mais il réfléchit sur lui-même. Camus n'est pas quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il est. Il est même plutôt très insatisfait. C'est quelqu'un qui n'a aucune vanité, en tout cas pas, certainement pas de sa réussite, mais qui sait aussi toutes ses failles dans son rapport à lui-même et dans son rapport aux autres. Et il connaît la culpabilité, il refuse de s'y enfermer, mais il la connaît. Et c'est c'est un des aspects qui me font l'apprécier autant, c'est que c'est quelqu'un qui sait réfléchir sur ses propres failles, sur ses contradictions, sur ses fautes, et c'est extraordinaire. Mais c'est pas une dimension morale, c'est ça que je veux dire. Non, la morale n'apparaît pas dans ces textes. Au contraire, si absurde il y a, c'est parce qu'il n'y a pas de morale. Enfin, il n'y a pas un bien et un mal défini absolument et a priori. Mais il y a pour chaque homme, et c'est en cela que nous sommes tous le premier homme ou la première femme, il y a à chaque homme à fonder sa propre éthique. Et je préfère le mot éthique plutôt que celui de morale, qu'il dénonce comme Nietzsche en parlant de la moraline. Il s'agit de fonder les valeurs sur lesquelles on va bâtir sa vie, son rapport aux autres. Il dit il faut apprendre à naître, du verbe naître, la naissance, naître aux autres. Et ça, c'est un travail de tout homme. Donc, c'est pas simplement lui Camus. On a des traces parce qu'il écrit de ce travail qu'il a fait sur lui-même. Mais il dit très clairement que c'est le travail de tout homme. Nous sommes tous le premier homme, c'est-à-dire nous n'avons pas une éthique toute faite, des valeurs toutes faites qui nous sont données par je ne sais quelle instance supérieure. Nous avons à les créer, nous avons à les inventer, tous. Et c'est notre devoir absolu. Donc il y a une éthique camusienne. Ah, complètement. Oh, complètement. Autant on peut récuser le terme de morale, et il le récuse lui-même, autant une éthique camusienne, elle est à la fois l'éthique de l'homme, l'éthique du citoyen et l'éthique de l'artiste. Bien sûr. Alors, avant d'en venir à la dimension artistique, vous avez dit tout à l'heure que dans ce texte, on pouvait voir que Camus définissait la pauvreté, ou avait compris dans la pauvreté le sens de la vie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas. Parce que justement, s'il n'y a pas de dimension morale, mais la pauvreté dans le sens de la vie, c'est-à-dire c'est dans son dénuement qu'on voit l'essentiel. Vous le dites très bien. C'est ça, exactement. C'est dans le dénuement qu'on voit l'essentiel et que tous les oripeaux des réussites auxquels on a pu s'attacher, auxquels on a pu rechercher en se disant que c'était ça le sens de la vie, c'était réussir, pas forcément l'argent, non, mais réussir ça ou ça ou ça, eh bien non. Dans le dénuement, on est face absolument à l'essentiel, c'est quoi la vie ? Et regardez sa mère qui ne parle pas, qui est écrasée, eh bien là on se dit, ben oui, la vie c'est là qu'elle est. Son père, qu'il n'a pas connu mais dont il sait qu'il avait spontanément une éthique. Un homme, ça s'empêche. Ça s'empêche de commettre des atrocités, même c'est dans la guerre. C'est ce qu'il dit, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Difficile à comprendre cette phrase, d'ailleurs. Comment ? Donc, c'est difficile à comprendre cette phrase. À quoi fait-il référence ? Alors, je passe à ça. Alors, le contexte est très clair. On rapporte à Jacques Cormery, on est dans le roman, un épisode de son père avant la guerre 14, donc la guerre du Maroc qu'il a faite avant. Et quelqu'un qui était avec lui pendant cette guerre rapporte que le père, un jour, donc il était tout jeune à ce moment-là, s'est retrouvé avec un compagnon qui avait été horriblement massacré, mutilé. Mais on avait fait des choses horribles, nous, donc ils se sont vengés. Et le père entre dans une colère folle en disant non. Même pour se venger, un homme, ça s'empêche. Ça s'empêche de commettre tout simplement une atrocité totalement inhumaine. Il dit pas, faut pas tuer, il dit, un homme, ça s'empêche. Ça s'empêche, oui. Voilà. Et voilà, Camus découvre chez des êtres très simples, son père a appris à lire très tard, chez des êtres très simples qu'il y a un sens des valeurs et qu'ils ont du courage et qu'ils ont surtout de la dignité. Il appelle ça de la dignité. Et le peu qu'il apprend de son père va dans le sens de cette dignité. Quel bouleversant dans le texte qu'on a entendu. On pourrait y passer toute l'heure, voire toute la semaine, hein, tellement il est riche, mais on en a d'autres à entendre, et magnifique. Donc, mais quand même encore un mot, c'est la lucidité dont il fait preuve à l'égard de lui-même. Oui. Même si c'est un texte de maturité, on va dire, parce qu'en effet, c'est bien après la rédaction initiale de ce texte, il décrit comme un parcours de lui-même, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il s'est passé, qui peut mettre les mots. Et c'est pour ça que lorsqu'il dit « j'avance péniblement sans être sûr d'atteindre le but, autrement dit, je devins un artiste », c'est comme si lui-même avait besoin de ce terme, de cette catégorie, aussi malléable soit-elle, de l'art et de l'artiste, pour décrire son propre travail. C'est pas en tant que philosophe, c'est pas en tant qu'écrivain qu'il se décrit, voilà. C'est comme artiste. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est pas en tant qu'écrivain. Et on pourrait se demander pourquoi. Bon, qu'il ne se définisse pas comme philosophe, il sait qu'il n'est pas un philosophe à système ou à concept, qu'il est plutôt un philosophe à la française, un peu comme Montaigne ou Pascal. Bon. Mais comme Sartre lui a bien rappelé. Oui. Mais comme, ben pourtant, la philosophie à la française, ce n'est pas rien. Mais enfin, on peut préférer la philosophie allemande. Je parle de Sartre, je parle pas de moi. Camus se définit comme artiste. Pourquoi ? Il me semble qu'il se bat avec la sacralisation de l'écrivain telle que le 19e siècle l'a posée et telle qu'elle n'est pas encore totalement dissoute à ce moment du XXe siècle. Et pour lui, artiste défait cette sacralisation de l'écrivain comme l'inspiré des dieux, etc. Donc je pense que c'est très conscient chez lui quand il utilise le mot artiste et quand la grande conférence qu'il prononce après le prix Nobel de littérature s'appelle « L'artiste et son temps ». Et pourtant, il parle de lui en tant qu'écrivain. Il sait très bien qu'il écrit, il n'empêche. Il dit l'artiste. Et je crois que ça élargit beaucoup et que ça empêche des identifications et des figurations qu'il récuse complètement. Même s'il identifie parfois artiste à intellectuel, mais justement, c'est pour dire, là encore, c'est une réflexion vraiment éthique. Si justement, il, au début du texte de ce discours de réception du prix Nobel, il explique bien justement que l'artiste et l'intellectuel peuvent avoir en commun de proposer une vision du monde, mais il dit bien, et ça c'est passionnant parce qu'il définit l'artiste comme ayant un rôle quasiment plus fort que l'intellectuel, il dit l'artiste ne peut jamais se taire, c'est son devoir de parler. On attendrait ça d'un intellectuel justement. Mais et non seulement l'artiste doit parler, mais l'artiste doit tout comprendre, l'artiste. Alors comprendre ça ne veut pas dire justifier, ça ne veut pas dire être d'accord, il va dénoncer, mais il doit comprendre, et comprendre dans le sens de englober, et dans le sens de essayer d'entrer dans le mystère. Et je crois que c'est capital dans cette différence de l'artiste et de l'intellectuel. Camus se sent plus artiste qu'intellectuel. Et c'est vrai que dans les années 50, après les grandes querelles autour de l'homme révolté, il va prendre de la distance par rapport à ce rôle de l'intellectuel dans lequel il a été entraîné, j'allais presque dire, pas malgré lui, mais quand même entraîné. Il se rend compte qu'il y a plein de perversions dans ce rôle-là et il décide, au milieu des années 50, de se consacrer au théâtre et à ce roman. Non pas pour fuir, mais pour parler autrement. C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit dans ce texte, dans cette phrase, et on retrouve le soleil. Le soleil m'a appris que l'histoire n'est pas tout. Voilà. Ça veut dire que tout n'est pas réductible au développement historique et donc à une forme de politique. Il y a que la vie, l'existence trouve sa source aussi ailleurs. Et donc il tourne le dos là, un rôle qu'on attendrait de lui, complètement, de commentateur historique, voilà, etc. Il y a la beauté, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a l'amitié, il y a tout cela qui échappe à l'histoire et qui est absolument essentiel chez l'homme. Et l'artiste parle aussi pour cette part de l'homme, ça il dit dans le discours de Suède, cette part de l'homme qui échappe à l'histoire et qui définit fondamentalement l'humain chez lui. L'humain ne se réduit pas à l'historique et de ce point de vue-là, il est absolument anti-marxiste. Oui, et c'est pour ça sans doute qu'il était inaudible. Il écrit ça au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a pu en rire et dire « Mais comment ça, l'amour, la tendresse et le soleil, alors qu'on est dans un conflit au début de la guerre froide, etc. » C'est sans doute les raisons aussi de ce malentendu. Et je crois qu'il faut relire, vous avez tout à fait raison, il faut relire les lettres à un ami allemand qu'il écrit en 43-44 et qu'il publie en 45. Donc il l'écrit pendant, au moment où il a pris contact avec la résistance et il s'y est impliqué, et où il dit bien que ce qui il était sur des positions nihilistes peut-être avant, comme son ami allemand, sauf que lui n'a jamais oublié la beauté, la tendresse, un beau visage, alors que son ami allemand, qui est parti vers le nazisme, a fait une croix dessus. Après, allons jusqu'au bout de la réflexion, il dit aussi « L'art n'est pas tout pour moi, que du moins ce soit un moyen. » Oui. Alors, laissant ça entendre qu'il faut aller ailleurs. Que l'art... Alors, ça, je dirais, et il le dit dans la première page des carnets, en 35, je ne suis pas sûre qu'il le dirait encore sous cette forme-là, l'art comme moyen. Parce que c'est réduire l'art, si on met en face de cette phrase le discours de Suède, on s'aperçoit que l'art est quand même aussi une réponse, et pas seulement un moyen. On va entendre un extrait de Noce, donc un recueil que publie Camus, il a 26 ans, je crois, 27 ans. 39, il a 30... 26 ans. Oui, c'est ça, c'est il a 26 ans, il est publié en 39, voilà. Il a 26 ans. Écoutez, la maturité que l'entend déjà dans ces pages, c'est une seule page, elle vous donne une idée de ce qu'on peut y trouver par la suite. Et surtout, faites attention à l'image qu'il prend lorsqu'il qualifie la teinte de la lumière qui se dépose sur la campagne. Au printemps, Tipaza est habitée par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chênois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvilliers rosa dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle. Une profusion de roustées épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure où nous descendons de l'autobus couleur de bouton d'or, les bouchers dans leur voiture rouge font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants. L'extrait de Noce à Tipaza lu par Chloé Réjean, donc sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Vous aurez remarqué cette phrase sans doute, et on va la commenter Agnès Piquel, car je ne sais pas si le commentateur d'Albert Camus sont mis d'accord sur le sens de cette phrase. La campagne est noire de soleil. Pourquoi noire ? C'est le phénomène visuel que, au bout d'une longue exposition à un soleil extrêmement violent, effectivement, on a de l'obscurité qui s'installe. Alors, je crois qu'il faut d'abord prendre cette phrase au sens propre, c'est-à-dire des phénomènes visuels. Camus est sensuel, tactile, mais c'est aussi un grand visuel. Et quelqu'un qui l'a bien connu me disait qu'il avait un regard de peintre. Et là, on a bien entendu toutes les couleurs. Bon, et il a un regard de peintre, un regard d'artiste, d'artiste peintre. Et puis il observe de très très près les sensations et ce virage, j'allais dire, de la couleur en noir. Quand l'œil a eu trop d'éclat, il l'observe et il le dit, tout simplement. Alors après, on peut mettre du symbole si l'on veut, mais je crois qu'il faut d'abord regarder cela. D'autant que le noir ici n'exclut pas la couleur, puisqu'il vient de parler de la mer cuirassée d'argent, du ciel bleu écru. Et ensuite, dit-il, les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. Ces gouttes de lumière, c'est magnifique, de lumière et de couleur. Et puis, il y a du noir aussi, parce que c'est trop de lumière. Donc, peut-être que l'œil se referme un peu, mais je crois que c'est aussi près que possible de la sensation, de la perception très, très, très directe. Camus est d'une précision dans les sensations, c'est extraordinaire. Voilà. Oui, on a presque pas envie d'en dire plus, on a envie de l'entendre en entier tellement ce texte, oui. Il a quelque chose d'incroyable quand même, parce que même Camus aurait pu s'arrêter là, ça aurait été bien dommage, mais ce texte court, c'est ces différents textes qui composent le recueil de Noce, sont extraordinaires en eux-mêmes, ce mélange de philosophie et de poésie à la première personne, et tantôt dans la méditation, tantôt dans l'analyse, il parle du rapport des hommes en Occident à la mort, en tirant des conclusions sans jamais être donneur de leçons. Il y a un ton absolument unique en philosophie là. Ah, complètement. Ce sont des essais, dirais-je que ce sont des essais philosophiques, ça peut être aussi bien des essais lyriques, mais peu importe. Le lyrisme est présent, absolument. Le lyrisme est là aussi. Et puis la splendeur de l'expression. Mais trop souvent, on ramène tout le recueil de Noce à Noce à Tipaza. D'abord, on ne lit pas Noce à Tipaza, pas toujours à fond. C'est-à-dire qu'on oublie que la mort est présente aussi. Et dans l'ensemble du recueil, il faut aller lire le dernier essai qui s'appelle Le désert, et qui est absolument extraordinaire, où il médite sur qui ? Sur les moines des monastères de Florence, qui ont choisi le dénuement le plus complet, et il les met en relation avec les jeunes gens nus sur la plage. Et il y a une méditation sur le dénuement, et aussi sur l'acceptation de la mort, qui, loin d'amoindrir l'intensité de la vie, la galvanise et tout ce que l'on veut, aussi bien chez les moines que chez les jeunes gens, c'est-à-dire que c'est pour une plus grande vie. Donc cette mort, elle est présente, mais elle n'est pas là pour tout éteindre, elle est là au contraire pour célébrer davantage. Mais elle est là. Si je peux avoir autant de bonheur à nager, à me rouler dans les absinthes, c'est bien parce que j'ai un corps. Et si j'ai un corps, je sais que ce corps est mortel. Et le Camus qui écrit Noce sait très bien qu'il est mortel. Mais voilà, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Je sais que ce corps me lâchera un jour, pas simplement parce qu'il est malade, mais tout le monde. On va voir tous un jour, on est tous des condamnés à mort. C'est grâce à ce corps que je suis dans les noces perpétuelles avec le monde et avec les autres. C'est parce que la vie a un terme, c'est parce que je suis mortel que je peux autant aimer la vie. C'est ça qu'il nous dit. C'est la condition, en fait. Ce que l'on tient pour une catastrophe donne en fait son prix à l'existence elle-même. Ah, mais complètement. Et il l'a intégré très tôt par sa propre expérience et la philosophie a pu l'aider ensuite, mais c'est d'abord son expérience du corps, expérience que tout le monde peut faire, où la vie la plus intense implique la mort, mais ça n'est pas oui, c'est ça l'absurde peut-être, mais ça n'empêche absolument pas de vivre cette vie complètement à fond. J'aime cette vie et veux la vivre, je sais plus comment. En fait, on pourrait dire qu'il a théorisé son expérience, que d'abord il a décrit son expérience et qu'ensuite il en a forgé une philosophie. Il dit pour Tipaza, vivre Tipaza, écrire Tipaza, penser. Ensuite. Et c'est ce qu'il fera dans le reste de son œuvre. Tout le reste donc la philosophie n'est pas première, c'est ça. Absolument. Ça vient après. Il faut vivre d'abord. Et même vivre avant d'écrire. Vivre, écrire, penser. Et pourtant, il travaille énormément. Ah oui, il n'arrête pas. Il n'arrête pas, mais en même temps, je ne sais pas comment, il a une intensité d'énergie. Comment il arrive à écrire. Là, on est en train de beaucoup travailler sur les correspondances. Il y a une correspondance absolument énorme et il le fait c'est à ça. Main. Et quand il la dicte, il s'en excuse parce que c'est qu'il est malade, mais sinon il écrit tout à la main. Et il voit des amis, il écoute de la musique, il a des maîtresses. Comment fait-il ? Je ne sais pas. Et alors, à côté de ça, on nous dit, c'est un grand malade. Ben oui, sauf que, voilà, il vit 3 vies, 10 vies, et avec autant de bonheur, j'allais dire, de gourmandise. Ce qui n'empêche pas des crises d'angoisse énormes jusque dans les années 50, mais voilà, il vit tout à fond. L'immense bonheur et l'angoisse et le désespoir, mais il ne s'agit jamais, l'un n'annule pas l'autre. Parmi les correspondances de Camus ont été publiées l'an dernier la correspondance avec Maria Cazares, oui. Près de 1000 pages de 1300 1300 pages, alors plus de 1000 pages voilà. De déclarations d'amour, de plaintes, de travail. Maria Cazares, qu'on trouve très drôle d'ailleurs, hein, quand elle se moque de lui. Elle est beaucoup plus drôle que lui d'ailleurs dans cette correspondance. En tout cas, je ne sais pas si l'humour était son fort. En tout cas, elle nous fait beaucoup rire. Et on trouve aussi la correspondance entre Albert Camus et René Char. Oui. Peut-être dites-nous deux mots de leur amitié avant qu'on entende un extrait de La postérité du soleil, qui est un texte qu'ils avaient écrit voilà. Ensemble. Alors... Je vais raconter aussi l'histoire d'eux. Ils se sont rencontrés en 1946 et très vite, ils se sont reconnus l'un l'autre comme de grands artistes. Quand René Char parle de soleil jumeau, c'est bien que ce n'est pas... À propos de deux. À propos de... Soleil jumeau. Soleil jumeau. Ça n'est pas un satellite parmi beaucoup d'autres que René Char a hein, dans sa galaxie. C'est... Non, voilà, il y a une autre galaxie. Et on se parle de galaxie à galaxie, et pourtant une proximité incroyable, une fraternité qui se dit et qui passe jusque dans les détails. Alors, il y a cette admiration, admiration pour le poète, l'écrivain, et il y a l'admiration aussi pour l'engagement, et puis il y a tout ce qu'il partage, et cette correspondance est une merveille, parce qu'à la fois elle va très profond dans l'expérience, et elle va aussi à des choses de détail. Très vite, en 1950, ils ont le projet de faire quelque chose ensemble. René Char est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des photographes ou avec des peintres. Et une jeune photographe, Henriette Grinda, a pris, à la demande de Camus, des photos dans le Vaucluse. Et René Char propose à Camus de faire un recueil à partir de ces photos et des textes ensuite. Alors, Camus est en plein dans l'homme révolté, mais en 52, il écrit des textes. Des textes qui sont des poèmes en prose, dont certains disent « mais c'est du Char ». Je suis désolé, c'est du Camus. Maintenant, effectivement, il est de plein pied avec son ami. Malheureusement, le projet n'aboutit pas immédiatement et c'est très troublant. René Char témoignera que quelques semaines avant sa mort, Camus lui a dit, il savait pas qu'il allait mourir, hein, Camus, vous porterez ce projet, hein, vous le ferez, notre livre. Et ce livre s'appelle « La postérité du soleil ». Ce sont donc des photos et en face, des courts textes. Alors, René Char a dit qu'il avait aménagé quelques textes. Mais Franck Planeil, qui a travaillé sur les manuscrits, montre que les interventions de Char sont minimes par rapport au texte. Autrement dit, que cette postérité du soleil soit dans les œuvres complètes de Camus, ça n'est pas du tout une usurpation. Les photos sont d'Henriette Grinda, les textes sont de Camus. Et René Char a dit exactement comment cela s'était passé. C'est absolument magnifique. Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas. Dans la jeune lumière, l'hiver sera sec. Sur les terres du soleil, août éteint les couleurs. Mais le froid resplendit. Le ciel est bleu de neige. Été noir, hiver d'or. La vraie force a deux visages. Il fallait ses racines, en tout cas, profondes et fraîches, pour savoir parler de l'amour. Char, passant par le surréalisme, n'en a gardé que le meilleur. D'autres, après nous encore, recevront sur cette terre le premier soleil, se battront, apprendront l'amour et la mort, consentiront à l'énigme et reviendront chez eux en inconnu. Le don de vie est adorable. Agnès Piquel, pourquoi ce titre, La postérité du soleil ? Alors figurez-vous que même Franck Planey, le grand spécialiste qui a fait cette magnifique édition de la correspondance Camus-Charles, je lui ai reposé la question il y a 2 jours, il m'a dit « Agnès, je ne sais pas ». Mais sait-on si c'était un titre décidé par Camus et Charles ou par Charles ensuite ? Non, il avait été décidé avant. Il avait été décidé avant. Alors, il y a dans un texte que Camus dit, et je crois qu'on en a entendu un passage aussi, pour une émission de radio sur René Char, quelque chose comme la postérité de notre amitié. Mais la postérité du soleil, non, ça avait été choisi. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est en 50-52, mais ça avait été choisi par eux. Mais d'où cela vient? Si même le spécialiste ne le sait pas, comment voulez-vous? Libre au lecteur ensuite d'interpréter. Absolument. Le soleil n'est pas dans tous les textes, mais on est vraiment dans cette lumière du Luberon, puisque c'est aussi le paysage dans lequel vit René Char. Oui, c'est ça. Le soleil, c'est aussi l'astre réel, enfin l'étoile qui nous chauffe tous les jours et que l'un et l'autre contemplent quotidiennement. Ah, mais complètement. Et si, aussi le sens premier. Si Camus est venu, si Camus est venu s'installer à Lourmarin en 58, c'est parce que depuis des années, il disait à René Char, mais je veux venir vivre dans le même univers que vous. Je crois qu'il se vous voit, oui, que vous. Et donc, c'est bien le soleil aussi qui chauffe la pierre, qui dessèche le soleil de cette Provence, mais de cette Provence de l'intérieur, où c'est sec, c'est dur, et c'est aussi le paysage, le paysage de beaucoup de textes de René Char. Un dimanche de mai 1951, René Char écrit à Camus « J'ai trouvé votre lettre du 5 mai qui m'attendait à mon hôtel, en revenant de l'île sur la Sorgue et des Hautes-Alpes. Votre approbation et votre affection font que la grimace et le hoquet des hommes sont moins hostiles, font surtout qu'on distingue dans le visage du soleil une clarté qui, tout en étant celle de tous, à une vertu balsamique qui ne se gaspille pas en vain, car elle n'est accueillie que par quelques-uns. Cela même qui la verse au compte scrupuleux de l'espérance de demain. Merci d'être un de ces essentiels. » Oui, un de ces essentiels. Ils sont l'un pour l'autre absolument essentiels. Et en même temps, ce qu'ils partagent, bien sûr, c'est les soucis, c'est la douleur. Mais en même temps, j'ai ici une phrase... C'est Char qui dit à Camus, ce projet réalisé sur l'aile de la joie, parlant de la postérité du soleil, sur l'aile de la joie. Et il dit combien Camus était pour lui vecteur de joie. C'est très, très, très émouvant. Alors, dans l'édition de la correspondance entre Camus et Char, il y a tous ces textes annexes qu'ils ont écrits l'un sur l'autre de leur vivant et ce que Char a écrit. Un texte bouleversant qu'il a écrit après la mort de Camus. On a tout ça dans le même volume en annexe. Et cela montre à quel point ils étaient effectivement l'un pour l'autre des essentiels, des repères, certes. Mais l'un pour l'autre, dans les deux sens. C'est ça. Et on retrouve dans le terme même d'essentiel l'importance de l'essence que l'on peut chercher. Là aussi, quand même, vous disiez la pauvreté, c'est l'essence même de la vie. Ici, essentiel qui qualifie un ami. Donc il y a quand même toujours cette même quête, le dénuement pour retrouver l'essence ou l'essentiel. L'essence ou l'essentiel. Ce serait le geste camusien. Tout à fait. Et chez Char, c'est pas simplement la poésie. C'est aussi tout ce qu'est l'homme, avec son engagement, avec sa lucidité. C'est quand même Char qui écrit « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». On la connaît beaucoup, cette phrase, mais je trouve qu'elle est tellement camusienne aussi que j'avais envie de la dire aujourd'hui. Le festin terminé, plaisir et frustration aussitôt oubliés, c'était la course vers l'extrémité ouest de la plage, sous le dur soleil, jusqu'à une maçonnerie à demi détruite qui avait dû servir de fondation à un cabanon disparu et derrière lequel on pouvait se déshabiller. En quelques secondes, ils étaient nus. L'instant d'après, dans l'eau, nageant vigoureusement et maladroitement, s'exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons ou à qui resterait le plus longtemps sous l'eau. La mer était douce, tiède, le soleil léger maintenant sur les têtes mouillées et la gloire de la lumière emplissait ces jeunes corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt. Il régnait sur la vie et sur la mer et ce que le monde peut donner de plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure comme des seigneurs assurés de leurs droits et de leurs richesses irremplaçables. On retrouve le soleil jusqu'au bout, Agnès Piquel. Je viens de lire quelques lignes du premier homme, le manuscrit que Camus avait dans sa sacoche le jour où il a eu cet accident de voiture, pas très loin de la ville de Sens, d'ailleurs, ce qui est assez ironique pour un penseur de l'absurde. Et la description qu'on voit là, on pourrait se croire dans Nos, finalement. Il semble avoir décrit ce type de scène toute sa vie. Alors, oui, mais on revient toujours à l'idée que le premier homme fait une sorte de somme, rassemble tout ce qui a fait le fond, je crois, de la pensée et de l'écriture de Camus. C'est pour ça qu'on aurait aimé avoir la suite. Mais déjà, ce qu'on a... Les échos sont multiples avec tout ce qui précède, donc avec Nos, mais aussi avec d'autres éléments. Mais je crois que, en écrivant le premier homme, Camus sent à quel point toute cette expérience de la vie, mais incluant le soleil, lui a donné sa passion de vivre. Les toutes dernières lignes, je ne sais pas si j'ai le droit de les lire, les toutes dernières lignes du premier homme. Il s'agit de la dernière ligne écrite du vivant de Camus. Absolument. Vraisemblablement. Ah oui, oui, oui. Alors, peut-être la carte postale dans laquelle il annonce qu'il arrivera peut-être. Je ne crois même pas parce que il pose sa plume, les enfants arrivent pour les vacances de Noël et il écrit, c'est extraordinaire dans le manuscrit, ce qu'il va écrire quand il reprendra le manuscrit. C'est ce qu'on fait tous quand on arrête un travail au milieu. On se dit, tiens, voilà. Et il ajoute dans le manuscrit que j'ai eu la chance de voir ce à quoi il va travailler ensuite. Mais ce qu'il écrit, une pure passion de vivre, affrontée à une mort totale, donc lui, sentait aujourd'hui la vie, la jeunesse, les êtres lui échapper, sans pouvoir les sauver en rien, et abandonné seulement à l'espoir aveugle que cette force obscure, qui pendant tant d'années l'avait soulevé au-dessus des jours, nourrie sans mesure, égale aux plus dures des circonstances, lui fournirait aussi, et de la même générosité inlassable qu'elle lui avait donné ses raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans révolte. Camus écrit des raisons de vieillir et de mourir sans révolte. Il trouve des raisons. Et vieillir, oui. Et vieillir, il l'a ajouté en surligne. C'est-à-dire que, voilà, c'est aussi un bilan qu'il fait. Là, il parle de Jacques Cormery, et on ne sait pas ce qu'il aurait fait de ce texte-là dans le roman. Mais oui, des raisons de vivre. Ça ne veut pas dire un sens de la vie, mais des raisons de vivre. Qu'est-ce qui fait que je continue à vivre et que je continue à vivre en étant une pure passion de vivre ? Qu'est-ce qui fait que je suis nourrie à ce point que l'intensité, elle est là, même si je sais qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire et je sais que je m'affronte à une mort totale. Il parle de force obscure aussi. Ah oui, oui. Et ce dernier chapitre qu'il est écrit, mais il l'aurait sûrement remanié, et la seconde partie du premier homme est très très peu remaniée, alors que la première partie est incroyablement remaniée. Il y a eu 3 paginations successives dans le manuscrit. Ça veut dire qu'il a complètement retravaillé. On est obligé de constater que c'est un premier jet où il y a toute une partie narrative et un chapitre extraordinaire qui est de méditation sur la vie et dont le titre aurait été « Obscur à soi-même ». C'est une expression qu'il utilise aussi dans une lettre à Maria Cazares, qui date de la fin de 1959. Il faudra bien se résigner à mourir obscur à soi-même. On restera obscur à soi-même. Et il le regrette. Non, mais la littérature est là pour essayer d'éclairer un peu cette obscurité par les mots. La preuve, c'est qu'on a ce chapitre extraordinaire de méditation sur la vie et puis d'analyse. Alors à la fois de ce qu'est le jeune homme, mais aussi de ce qu'est l'adulte, ce Jacques Cormery, mais qui est l'alter ego de Camus. Voilà, qu'est-ce qu'il sent de la vie ? D'où vient son énergie ? D'où viennent ses désespoirs ? Quelles sont les sensations étonnantes de l'adolescent ? Mais quelle est aussi quels sont les éblouissements de l'adulte ? Tout ça se mêle dans ce dernier chapitre qui est extraordinaire et qui prend une ampleur du point de vue de l'expression, on a des phrases qui ont 60 lignes. C'est d'une beauté et d'un lyrisme total. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça aurait donné dans le roman terminé. Enfin, on a ça et c'est extraordinaire. Il faut lire les dernières pages du premier homme, bien sûr. Alors, qu'avait-il écrit sur le manuscrit ? Qu'allait-il faire ? Vous avez dit, j'ai vu, il a écrit ce qu'il allait faire ensuite pour quand il reprendrait son travail. Et ben, il allait continuer adolescent. C'est d'ailleurs les titres des chapitres suivants où l'on s'aperçoit qu'il n'aurait pas comme dans la première partie, pris un ordre chronologique. S'il écrit un roman, c'est justement pour n'avoir pas à suivre l'ordre chronologique qu'aurait sans doute imposé une autobiographie, mais recomposé en fonction d'une méditation et en fonction du titre de cette deuxième partie qui est « Le fils ou le premier homme ». Le titre de la première partie la plus ample, celle que nous avons, c'est « Recherche du père ». Et d'après les brouillons, il semblerait que la troisième aurait été centrée sur la mère, mais la seconde, c'est le fils ou le premier homme. Est-ce que c'est dans ce texte que le fils se rend sur la tombe de son père et réalise qu'il est plus âgé ? Tout début. C'est au tout début, c'est le deuxième chapitre. Mais c'est dans le premier homme. Ah, c'est dans le premier homme, oui, bien sûr. Il se rend compte qu'il a l'âge, un âge que son père n'a jamais atteint. Oui, il a 40 ans et son père est mort à 27 ans et il découvre cela. Et donc pour lui, l'ordre du temps est complètement fracassé et c'est de là que vient toute sa quête. Ensuite, sa quête du père qui va donner naissance au premier homme. Je ne dis pas que c'est ce qui donne naissance à toute l'œuvre de Camus. Camus n'a rien dit, jamais, sur le moment où il est allé sur la tombe de son père en 47. Mais ce qu'il prête ici à son personnage, c'est que sur ce fracas du temps, eh bien, il va reprendre tout à la base, recherche du père, recherche de soi-même, recherche de ce qu'est la vie. Et donc, on n'est pas du tout dans une narration, on est véritablement dans une quête. Et dans la seconde partie, il aurait compris à quel point il est le premier homme, c'est-à-dire qu'il doit tout réinventer. Merci beaucoup Agnès Piquel d'être venue nous en parler ce matin. Je rappelle merci à vous. Président de la Société des études camusiennes, on peut lire Camus, un artiste embarqué, que vous avez publié chez Anne Rideau, de nombreux autres artistes, de nombreux autres livres, notamment dans les ouvrages collectifs, on me traite tout en ligne sur le site des chemins de la philosophie. La correspondance Albert Camus, René Char est disponible aux éditions Gallimard. Les œuvres complètes de Camus sont disponibles en Pléiade. On se quitte en restant sous le soleil. Exactement. Merci. Tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, sous le soleil. Exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant si c'était réel, sous juste en dessous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de vos conseils de lecture pour l'été ou pour la vie d'ailleurs Géraldine. Et oui, je vise la vie Adèle et donc après Sartre, après Tocqueville, voici le troisième livre de philo qui change la vie. Donc je rappelle que cette sélection ne tient qu'à moi, à vous de proposer la vôtre. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs de vos suggestions déjà, alors j'en cite quelques-unes. L'éthique de Spinoza, En veux-tu en voilà, du Nietzsche par-dessus la tête, surtout Zarathoustra et le Gai Savoir. Camus et Sartre, à égalité, 2-3 Deleuze, un soupçon de Bergson avec Matière et mémoire, Puis je note aussi les mentions de Martine à la ferme et de Pif Gadget qui apparemment ont changé des vies. Nos auditeurs ont de l'humour. Voilà, et peut-être qu'on y trouve des dimensions philosophiques. Mais alors malgré cela, aucun auditeur n'a cité celui dont je vous parle aujourd'hui, Paul Ricoeur, avec son génial « Soi-même comme un autre ». Soi-même comme un autre suggère d'entrée de jeu que l'ipséité du soi-même implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre, que l'une passe plutôt dans l'autre, comme on dirait en langage hegelien. Au « comme », nous voudrions attacher la signification forte, non pas seulement d'une comparaison, soi-même semblable à un autre, mais bien d'une implication, soi-même en tant que autre. À écouter ces lignes pas faciles, il faut le dire, compliquées, lues par Georges Clès, vous êtes en droit de vous demander en quoi « Soi-même comme un autre » serait un livre génial, qui change la vie comme je le prétends. Et vous aurez raison, car oui, c'est un vrai sujet. Un livre qui change la vie, livre de philo compris, ne doit-il pas être un livre que l'on prend aussi du plaisir à lire? Et même n'est-il pas d'abord un livre que l'on a aimé lire, avec une écriture qui nous a plu, qui nous a fait quelque chose, avant d'être un livre dont l'idée nous a bouleversé? Alors sur ce point, c'est vrai, « Soi-même comme un autre » n'est pas facile à lire. C'est un texte sur lequel on s'arrache les cheveux entre ipséité, altérité, dialectique et autres termes fleuris. Un texte qui se travaille, qui se découpe en parties, qui s'analyse. Et c'est dans ces conditions-là que je l'ai lu, pendant mes études donc. Mais c'est aussi comme ça que je l'ai aimé justement, parce qu'il m'a éprouvé, il m'a mise à bout et il a mis à bout tout ce que je savais ou pensais savoir sur ce sujet. J'ai construit l'espace soi-même comme un autre autour de quatre questions, qui sont toutes des questions en qui. Et vous remarquez d'ailleurs que le « qui » est un pronom interrogatif qui n'est ni masculin ni féminin. Et c'est la question « qui parle ?» Alors, c'est tout le problème du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet parlant ? Bon. Puis après cela, « qui agit ?» C'est-à-dire qui est l'auteur de ses propres actes, qui est capable d'initiative, qui est capable d'intervenir dans le monde, dans le cours des choses, etc. Qui raconte sa propre histoire ou l'histoire des autres et par conséquent construit à travers cela ce que j'ai appelé son identité narrative. Oui. Et puis après cela, la question morale, qui est responsable, à qui peut-on imputer des actes permis ou défendus. Voilà pourquoi j'ai aimé « Soi-même comme un autre », parce que c'est un livre exigeant sur sa forme et dans le fond, et parce qu'il se colle autrement à cette affaire cruciale en philosophie et dans la vie, celui de l'identité, du soi, du qui, comme le dit Paul Ricoeur dans l'archive que l'on vient d'entendre. C'est un livre qui ne se donne pas facilement, il faut avoir envie d'en découdre, mais c'est parce qu'il est à la hauteur de son sujet. Évoquer l'identité en se passant de Descartes, de Nietzsche et du structuralisme est un sacré pari. Évoquer cette question essentielle de qui suis-je en misant sur l'idée d'identité narrative et en abandonnant l'idée du moi et du je l'est encore plus. Alors je crois qu'il était tout à fait important de choisir la référence au soi pour ne pas tomber dans les difficultés insolubles posées par la question « je », la question « moi ». Et je commence d'ailleurs le livre en faisant peut-être un peu brutalement une sorte de table rase. Je dis, bon, il y a les cartésiens, ils jouent tout sur le « je pense ouais. ». Et puis il y a Nietzsche qui dit qu'il y ait une identité, une solidité, la question « je ». Alors, je retire mon épingle du jeu, si j'ose dire, de cette querelle, oui. Et j'essaye une autre voie. Puisque c'est le réflexif, ce n'est pas ce qui vient d'abord, c'est ce qui vient à la fin. Parler du soi plutôt que du moi, dire qu'on est à la fois en même temps soi et un autre, insister autrement dit sur l'idée d'identité narrative qui se raconte, qui se tisse au fil des rencontres, des autres et des circonstances, c'est une des plus belles idées de la philosophie, tout comme ce titre, soi-même comme un autre, qui est un des plus beaux, mais des plus intenses aussi, des plus ambitieux qu'il soit donné de lire au rayon des classiques. Merci Géraldine pour ce conseil de lecture, un troisième donc à rajouter sur la liste des livres à lire cet été. Et j'ajoute ce petit conseil pour soi-même comme un autre, si vous lancez dans cette lecture cet été, alors ne sautez absolument pas l'introduction et piochez dans le sommaire, allez directement à la cinquième et sixième étude, notamment donc sur l'identité narrative. C'est noté, merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette émission avec Louis Bardinet à la prise de son aujourd'hui et Chloé Réjon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour sur et dessous le soleil. Demain, nous serons en compagnie de Yann Blanc et on évoquera le travail de Van Gogh. Van Gogh l'ébloui aux toiles baignées de soleil. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Camus et le soleil, c'est très simple, vous vous rendez sur France Culture à la page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Instagram, Twitter, Facebook, le compte de l'émission Les Chemins de la philosophie. On vous y attend, on sera ravis de répondre à vos questions et à vos commentaires. À demain, 10h donc. D'ici là, restez au frais sur France Culture.